Le 4 juillet, les judokas coréens ont regagné la patrie. À la compétition de judo pour le Grand Prix de Fuhaoto 2017, tenue à Fuhaoto, Chine, du 30 juin au 2 juillet, en présence de plus de 250 judokas de 26 pays et régions, y compris notre pays, la Russie, l'Ukraine et le Canada, la judoka coréenne Lim Sung-sim a décroché la médaille d'or à la catégorie de 52 kg.